En amour, paraît-il, y a pas de sens interdit. Moi, je choisis la file qui mène au paradis. J'ai les sens en éveil, le plein de carburant. Je rétrograde au réveil, m'accroche à ses volants. C'est fou ce qu'elle m'excite, la fille de chez Opel. Je vais péter une durite et arracher ses ailes. Plein feu dans ma cervelle, course poursuite dans le cœur. La fille de chez Opel, c'est ma déesse de l'heure. Je roulerai bien une pelle à la fille fille de chez Opel. Dernier virage à droite, faut pas que je me dégonfle. J'ai les mains un peu moites et le moteur qui ronfle. Je peux plus faire marche arrière, elle m'attend au tournant. Je repasse en première, en feu de croisement. Je m'arrête juste en face, près de son bas-côté. Plus aucune trace d'elle sur la chaussée. La fille a disparu, le voilà au point mort. Une voix sans issue, bien sûr j'ai tout le temps. Je roulerai bien une paire à la fille fille de chez Opel. Que ma belle déesse a cédé le passage à une vieille carcasse aux ailes verrouillées. Qu'on vit ses grimaces sur des sentiers mouillés. Ma fille du soleil, carrefour de l'été, suivi les conseils d'un bison trop futé. Ma fille du soleil, au carrefour de l'été, a suivi les conseils d'un bison trop futé.